La filière, une enquête de Philip Sands. Écrite et racontée par Philip Sands. Adaptation, India Boucrel et Florence Martin-Kessler. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Philip Sands a enquêté pendant plus de 10 ans sur Otto Wächter, un officier nazi responsable du massacre de milliers de juifs de 1942 à 1945 qui a échappé à la justice. Premier épisode, un château en Autriche. Vous écoutez La Filière, une histoire d'amour et d'espionnage, de secrets, de cavales et de double vie. L'histoire d'une famille de nazis, la famille Wächter. Nous sommes au début de l'été 1942, dans les montagnes autrichiennes. Charlotte Wächter et ses 6 enfants sont en vacances à Zell am See, une petite station de carte postale, pas très loin de Salzbourg. Ils bronzent, ils font de la voile, ils se baignent dans le lac bleu azur. Charlotte écrit à son mari que les enfants sont en pleine forme et qu'ils apprennent à nager, le bonheur. Otto n'a pas pu les accompagner. Son travail le retient tout l'été à 1000 km de l'Autriche. Si vous tracez une ligne droite vers l'est, vous arrivez à Lemberg, une ville aux confins de la Pologne et de l'Ukraine, aujourd'hui appelée Lviv, qui était, avec Vienne, Budapest et Prague, la plus grande ville de l'Empire austro-hongrois. Dans une lettre, Otto explique à Charlotte qu'il s'en passe des choses à Lemberg, raison pour laquelle il ne peut pas les rejoindre en vacances, du moins pas tout de suite. Effectivement, il s'en passe des choses à Lemberg. Depuis le début de l'année 1942, les juifs de la ville sont éliminés avec méthode. Ils sont fusillés, ou bien pendus, ou bien déportés et gazés à Belzec, le camp d'extermination des environs. Alors pourquoi je m'intéresse à cette histoire depuis 10 ans? Par déformation professionnelle peut-être. Je suis avocat, spécialisé dans les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides. Dernièrement, j'ai plaidé la cause des Rohingyas, victimes de leur propre État, la Birmanie. Le droit pénal international donc, mais pas seulement. Le destin, les choix, les crimes d'Otto Wächter me concernent intimement. Sous son commandement, ma famille, toute la famille de mon grand-père Léon qui deviendra parisien, des gens qui s'appelaient les Flachner et les Buchholz, a été exterminée en quelques mois. Au moins 80 personnes. Ça s'est passé en 1942 à Lemberg et dans la ville voisine de Jolkiev. Parmi les victimes, Malke, mon arrière-grand-mère, et ses frères Josel, Aaron et Leibus, et leurs enfants, les enfants de leurs enfants. Tout ça pendant que Charlotte Wächter et sa petite famille profitaient de l'été à la montagne. Je m'appelle Philip Sands et vous écoutez La Filière. Document numéro 000508 du registre central des criminels de guerre. Date des crimes, 1942-1945. Lieu, Lemberg. L'intéressé est responsable de massacres, d'assassinats et d'exécutions commis sous son commandement alors qu'il était gouverneur de Galicie. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'un homme, Otto Wächter, qui était docteur en droit, champion d'aviron, avocat au barreau de Vienne, membre de la bonne société, et qu'on retrouve, quelque temps après, commissaire d'État en charge d'épurer la fonction publique autrichienne, puis gouverneur d'une région, la Galicie, grande comme l'Autriche justement, où l'extermination des Juifs est conduite de manière industrielle. À l'époque, le New York Times l'avait placé à la 7e place de son top 10 des plus grands criminels nazis en Pologne occupée. Si vous n'avez jamais entendu parler de lui, c'est parce qu'il a échappé à la justice. il a bénéficié d'un des réseaux d'exfiltration des nazis hors d'Europe, une filière secrète qui passait par Rome. L'histoire de la vie, de la carrière et de la cavale d'Otto Werchter, je peux vous la raconter parce qu'un vieux monsieur qui vit seul dans son château a décidé de me confier ses secrets de famille. C'est un après-midi d'automne. J'ai loué une voiture à l'aéroport de Vienne et je roule en direction de la frontière tchèque. Ma destination, Hagenberg. Il pleut à verse. Je passe la petite ville et prends l'allée qui mène à un schloss, un château, le château d'Hagenberg. Devant moi, des douves mal entretenues et un édifice énorme, austère, moyenâgeux, parfaitement carré. La façade massive est percée de 22 petites fenêtres. J'ai rendez-vous avec le propriétaire des lieux, Horst. Horst, dont le destin est indissociablement lié au mien. Towards the grand old front gates. Nous venons de côtés opposés d'une histoire partagée. C'est le fils d'Otto Werchter, l'officier nazi par lequel le malheur de ma famille est arrivé. Malheur! Horst! Hi! We've made it. How are you? I'm fine. How are you, my friend? On se retrouve comme de vieux amis. Horst me dit en plaisantant qu'il ignore pourquoi je suis là. Horst Werchter a 79 ans. C'est un homme chaleureux et sincère. Il porte une chemise de bûcheron à carreaux et dégage une odeur de feu de bois. C'est ainsi qu'il se réchauffe dans son immense schloss glacé. Il m'accueille, coiffé d'une casquette de baseball, qui annonce, preuve qu'il a le sens de l'humour, « Make Hagenberg great again ». C'est un ami qui la lui a donné, me confie-t-il, les yeux pétillants, avant d'ajouter d'un ton malicieux, un ami juif. La vie de Horst, qui, dans sa jeunesse, était l'assistant d'un artiste, Hundertwasser, le Gaudi autrichien. La vie de Horst est dominée par deux grands projets. Il y a d'abord l'impossible rénovation du château qui date du temps des croisades et un projet encore plus ambitieux qui consiste à convaincre le monde entier que son père Otto était un nazi certes, mais aussi quelqu'un de bien. Voici donc le contexte pas banal, unique même, dans lequel est née ma relation avec Horst. On s'entend plutôt bien, mais il y a une chose sur laquelle nous ne sommes pas d'accord. Pour moi, Otto Werchter a une part de responsabilité dans le meurtre de la famille de mon grand-père. Horst pense exactement le contraire. Il me reçoit dans une pièce sommairement meublée et pleine de courant d'air. Chez Horst, le sens du confort est tout relatif. Il m'affirme qu'on va être bien au chaud. Mais même lui finit par avoir froid et va chercher une petite laine. We're deep in the bowels. Even Horst has put a jumper on. Yes, of course. Because even Horst gets cold in his own house. Pourtant, il n'est pas du genre frileux. Dans la petite cour au centre du château, il y a un bassin. Et de manière quasi rituelle, tous les matins, Horst se met à l'eau. Même quand elle est presque gelée, malgré son âge, il s'y astreint quelle que soit la température. C'est une des choses qui me plaît beaucoup chez lui. Venez, entrez donc. Horst vit seul depuis le décès de sa femme Jacqueline. Les fondations du schloss datent du Moyen Âge, mais le château a été entièrement remodelé à la Renaissance. Il y a des fresques qui représentent des scènes de la mythologie grecque, des dorures rococo en stuc, des plafonds jadis grandioses, un peu décrépits. Ce chef-d'œuvre de la Renaissance, qui accueille quelques touristes toute l'année, n'est pas un château de famille. Horst l'a acheté avec l'argent dont il avait hérité de sa mère en 1986. Horst n'occupe que quelques pièces au rez-de-chaussée et au premier. Les autres étages sont inoccupés. Des dizaines de pièces vides. Au premier étage, un bureau plein de livres, de papiers, d'archives familiales. Et encore plus haut, au grenier, Horst m'annonce qu'il a une collection clandestine. We're going up this old stone tower with its lovely old staircase. J'ai installé ma chambre à coucher ici parce que c'est la pièce la plus chaude. Et voici le seul tract, on dit en allemand. Corridor, c'est ça. Au-dessus et de l'autre côté, il n'y en a pas. Parce que à l'époque baroque, il n'y avait pas de distinction entre pièces à vivre et pièces privées, comme aujourd'hui. On avance. J'ai rencontré Horst en 2012 alors que j'écrivais un livre sur le procès de Nuremberg. C'est à Nuremberg, juste après la guerre, qu'a été inventé le droit pénal international moderne. Le domaine que j'ai choisi quand je suis devenu avocat en 85. C'est lors de ce procès historique qu'ont été définies deux nouvelles notions. Le crime contre l'humanité et le génocide. Et pour la première fois, des hommes d'État ont été jugés et condamnés par les représentants d'autres États. À Nuremberg, il y avait 24 accusés. 12 ont été condamnés à mort par pendaison. Deux d'entre eux, Arthur Seyss-Inquart et Hans Frank, étaient proches, voire intimes, d'Otto. Alors évidemment, je ne peux pas m'empêcher de me demander si Otto aurait été condamné à Nuremberg. Si les choses s'étaient passées différemment, aurait-il été le 13e pendu? Mais le juriste international en moi s'interdit de refaire l'histoire ou le procès, et surtout pas devant Horst. Nous arrivons devant une porte verrouillée par un cadenas. Et la clé? Je l'ai perdue après avoir mis un cadenas. Horst a apporté une pince Monseigneur. Allons-y. Est-ce que vous pouvez me tenir ça? Il manque de me couper un doigt au passage et parvient à ouvrir l'accès au grenier. Et voilà la salle du national-socialisme. Nous sommes sous les combles, c'est immense et sombre, éclairé par de petites fenêtres. Ça sent le moisi et la poussière. Il y a des piles partout, des papiers, des boîtes, des vêtements, des photos. Dans un coin, des étagères pleines de livres. Im Angesicht des Galgens de Hans Frank, publié par sa femme. Je ne l'avais jamais vu. J'en ai vu seulement des traductions, des livres d'Alois Hudal, de Pie XII. And we've got Adolf Hitler, Mein Kampf. Et voici Mein Kampf d'Adolf Hitler. Intéressant. An old copy of Mein Kampf. Une vieille édition. Ma mère a dû lui dire « Tu n'as pas Mein Kampf ? Quel drôle de nazi tu fais ?» 1930. Ma mère l'a offert à mon père. Comment le sais-tu ? C'est écrit ici. C'est l'écriture de ma mère. Ça dit quoi ? Durch Kampf und Liebe Stürme trotz dem Sturme trotz ans Ziel, Vienne, Schneeberg, c'est dans la montagne, le 1er mars 1931. Qu'est-ce que cela veut dire? Grâce au combat et à l'amour, grâce à la lutte et à l'amour. Malgré Sturm, c'est le mauvais temps. La tempête. C'est ça. Malgré la tempête, jusqu'au but. Et il y a un ex-libris. Oui. Otto Gustav Wächter et une swastika. Oui. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Il ne l'avait pas encore en 31. Non. La collection clandestine, comme l'appelle Horst, n'en finit pas de receler des secrets. En fouillant dans le grenier, je tombe sur un second exemplaire de Mein Kampf, écrit par Hitler pendant les 13 mois qu'il a passé en prison après son putsch raté à Munich. Le putsch de la brasserie. C'était en 1923. En 1920, après avoir combattu dans l'armée allemande et avoir été blessé sur le front belge, il était devenu chef du Parti national socialiste des travailleurs allemands. À la même époque, en Autriche, un avocat viennois participait à la fondation du Parti nazi autrichien. Son nom, Arthur Seyss-Inquart. Mon père était un ami de Seyss-Inquart. Ton parrain, celui qui est pendu à Nuremberg. Oui, pendu à Nuremberg. Il m'avait offert mon premier livre, Mein Kampf. Seyss-Inquart te l'a offert. Oui. Arthur Seyss-Inquart, parrain de Horst Wächter. En même temps, pas si étonnant, puisqu'il évoluait exactement dans les mêmes cercles que Otto, avocat comme lui, militant nazi de la première heure comme lui. Le grand dessein d'Arthur Seyss-Inquart, c'était l'avènement de la Grande Allemagne. Il a été l'un des premiers promoteurs et le plus acharné de l'Anschluss, le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne, en fait son annexion. En mars 1938, les troupes allemandes entrent dans Vienne et reçoivent un accueil triomphal. Arthur Seyss-Inquart devient alors gouverneur de la province allemande nouvellement créée. Plus tard, il sera nommé commissaire du Reich dans les Pays-Bas occupés. Il ordonnera la rafle de 140 000 juifs néerlandais. 110 000 seront tués. C'est quoi ce petit livre ? Der Westfälische Frieden. Ça date du 17e. La paix en Westphalie, publié par les éditeurs Friedrich Kopp et Edvald Schulter en 1943, offert à ton père. J'ouvre le livre et je tombe sur sa dédicace. Wünschen zum Geburtstag, my warmest wishes on your birthday. Avec mes meilleurs vœux, joyeux anniversaire, le 8 juillet 1944, Heinrich Himmler, maître absolu de la SS, un État dans l'État. Une organisation tentaculaire, à la fois politique, policière, elle intègre la Gestapo, militaire, avec la Waffen-SS, et même économique. Otto était en 44 SS-Gruppenführer, autrement dit général 3 étoiles, comme quelques dizaines d'autres. Himmler était, lui, Reichsführer, tout en haut de la chaîne de commandement. Il était aussi chef de toutes les polices allemandes et ministre de l'Intérieur. S'il a échappé à la justice, c'est parce qu'il s'est suicidé avec une capsule de poison en mai 45. Certains le qualifient de meurtrier du siècle. Avec ses archives, j'ai l'impression d'être tombé sur un incroyable trésor. Il y a tous ses livres, mais aussi des centaines de lettres, des lettres d'amour. Il y a les mémoires que Charlotte a écrites pour ses 6 enfants. Il y a ses journaux intimes. Il y a des notes, des papiers en tout genre, des vieilles cassettes audio où Charlotte raconte sa vie. Ça commence en 1929 à leur rencontre et ça finit à la mort de Charlotte en 1985. Leur vie publique, leur vie privée, leur vie secrète, tout est là. Mais pour faire parler les archives qui dorment dans le grenier du château depuis une trentaine d'années, il faut que je m'organise. C'est long de déchiffrer les pattes de mouche du courrier manuscrit, de le transcrire, puis de tout traduire depuis l'allemand, que je parle mal. Il y a 10 000 pages de documents. C'est donc un travail de titan que je n'ai pas effectué seul. J'ai monté une petite équipe pour m'aider, menée par un étudiant en thèse, James Everest. Quelle ironie de l'histoire. Jusqu'à ce que Horst m'ouvre cette porte à la pince Monseigneur, personne n'avait jamais eu accès à tout ça. Et c'est donc moi, Philippe, avec mon équipe, qui vais me plonger dans la vie de Otto et Charlotte Werther. Et je suis évidemment fasciné par les lettres d'amour. La correspondance échangée entre Otto et Charlotte court sur 20 ans, 1929-1949. Ils s'aimaient. Ma plume ne peut pas rester tranquille car mon cœur déborde. Le souvenir du moment merveilleux que nous avons passé ensemble est trop intense. Je me sens mélancolique. Tout ce qui s'est passé depuis ton départ m'affecte. Quel contraste avec ces jours heureux où nous étions tous les deux dans l'harmonie et l'amour. Mon chéri, après ces merveilleuses journées en ta compagnie, je ne pense qu'à toi. Je m'inquiète. Es-tu bien installé? S'il te plaît, réponds-moi bien vite. Dis-moi comment les choses se passent. Que je cesse de me faire du souci. Es-tu bien installé? J'entends Charlotte et je ne peux pas m'empêcher de penser à mes aïeux qui étaient installés à Lemberg, eux, depuis des générations. Dans cette ville, la cohabitation entre les Polonais catholiques, les Ukrainiens orthodoxes et les Juifs, un tiers de la population, avait laissé place au début du XXe siècle à des pogroms contre les Juifs, mais aussi contre les Ukrainiens et les Bolcheviks. 1 million de Galiciens avaient émigré à l'époque. Es-tu bien installé? Ces mots de Charlotte résonnent encore en moi quand je retourne voir Horst à Hagenberg. Ce jour-là, il fait un froid, disons mordant, dans le château. Il prépare du thé et remet une bûche dans le poêle. Well, this is 49. Ça, c'est pour 49. Et j'ai aussi ce carnet d'adresse. Il me confie une série de papiers de l'année 1949 et aussi un carnet d'adresse, celui d'Otto. Moi aussi, j'ai des choses à partager avec lui. So I'm just going to play you something, Horst. Je vais te faire écouter un enregistrement de ta mère il y a quelques années. Tu es prêt? Ok. Je suis tombé sur des cassettes dans le grenier du Schloss. C'est un témoignage de Charlotte. Il était aussi noir que le bois qui est là-bas. Tout brûlé. Noir comme un nègre. Vergiftung. Je ne savais pas qu'il était tout noir à sa mort. Pour ma mère, ça a été un choc terrible. S'il n'y avait pas eu nous, ses enfants, je pense qu'elle se serait suicidée. Personne ne s'attendait à ça. Dans les montagnes, on mène une vie saine. Elle était tellement persuadée que son mari était un homme bien qu'elle a commencé à faire tous ces enregistrements 10 ans avant sa mort. Et je crois que c'est mon devoir de finir ce qu'elle a commencé, d'établir la preuve de ce que mon père a fait et de ce qu'il n'a pas fait. Les médecins qui l'ont soigné ont affirmé qu'Otto était décédé de mort naturelle. Mais sa famille n'en croit rien. Horst aussi est persuadé que son père n'aurait pas dû mourir si jeune. Il venait de fêter ses 48 ans. J'ai envie de savoir comment il interprète ce « Vergiftung ». Je lui propose de réécouter les enregistrements. C'est à 32 minutes 28. Réécoutons. Il était aussi noir que le bois qui est là-bas. Tout brûlé. Noir comme un nègre. Ça veut dire quoi? Empoisonnement. Empoisonnement. Un empoisonnement. Toute sa vie, Charlotte a affirmé que son mari avait été empoisonné. Mais pourquoi donc pensait-elle ça? Sur quoi fondait-elle cette conviction? C'est bien cette question et la recherche de preuves qui me conduira, souvent avec Horst, du Vatican à Cassel et de Londres à Castel Gandolfo, de Genève à Washington, de Hagenberg à Albuquerque. Dans le prochain épisode de La Filière, nous ferons connaissance avec une jeune fille, follement amoureuse de son fiancé, et avec un garçon de bonne famille, très séduisant. Il est déjà avocat, déjà encarté au Parti National Socialiste. Sa conquête du pouvoir, son ascension fulgurante commence à peine qu'il succombe déjà à la tentation de la violence dans la Vienne de l'entre-deux-guerres. C'était La Filière, une enquête de Philip Sands. Écrite et racontée par Philip Sands. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Adaptation, India Boucrel et Florence Martin-Kessler. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Musique originale, Sekou Keïta et Catherine Finch. Avec Irène Jacob pour la voix de Charlotte Wächter. Lambert Wilson pour la voix de Otto Wächter. Et Horst Wächter à Hagenberg en Autriche, voix française, Emmanuel Ménard. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminck. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Générique complet à retrouver sur franceculture.fr.